Voyons d'autres expressions servant à indiquer où se situe quelque chose. Sur ou au-dessus de se dit enfimade. E-N-C-I-M-A, plus loin des E. Pensez au mot cime, comme la cime du montagne. Enfimade. Comment diriez-vous à une personne que vous voyez, mettez-le sur l'armoire. Póngalo encima del armario. Póngalo encima del armario. Comme nous l'avions déjà vu, poner est l'un de ces verbes qui devient gaga. Maintenant, si chaise se dit silla, S-I-2-L-A, et sous, en dessous de, debajo de, T-E-B-A-J-O, plus loin des E, comment diriez-vous à une personne que vous voyez, mettez-le sous la chaise. Póngalo debajo de la silla. Póngalo debajo de la silla. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, derrière se dit detrás de. Comme pour delante, debajo, detrás, est toujours suivi de de s'il est suivi d'un mot qui le complète. Donc, comment traduirez-vous en vous adressant à quelqu'un que vous voyez, mettez-le derrière la chaise. Póngalo detrás de la silla. Póngalo detrás de la silla. Bon, vous savez maintenant dire où se trouve quelque chose. Il est donc temps de ficeler tout cela avec quelques expressions supplémentaires. Au moins, se dit al menos. Al, à l, plus loin, menos. M-E-N-O-S. Ou por lo menos. En trois mots. Por, P-O-R, plus loin, lo, L-O, et menos, M-E-N-O-S. Donc, en utilisant por lo menos, dites-moi. Au moins, maintenant, nous pouvons comprendre ces mots. Por lo menos, ahora podemos entender estas palabras. Por lo menos, ahora podemos entender estas palabras. Il est très utile de pouvoir comprendre les mots que nous venons de voir pour identifier où se trouve une personne, un objet ou un lieu. Pour dire « de temps en temps », on emploie « de vez en cuando », qui s'écrit, comme en français, en quatre mots. « De », « de », plus loin « bef », « vez », ensuite « n », « en » et « cuando », « c-u-a-n-d-o ». Dites-moi alors, « de temps en temps », j'utilise de nouveaux mots. Le « de nouveaux mots » ne se traduit pas en espagnol. De vez en cuando, utilizo nuevas palabras. De vez en cuando, utilizo nuevas palabras. Que donnerait cette phrase avec « siempre » et « intentar » I-N-T-E-N-T-A-R pour dire « essayer ». Sans traduire le « de » et le « de », dites-moi, j'essaie toujours d'utiliser de nouveaux mots. Intento siempre utilizar nuevas palabras. Intento siempre utilizar nuevas palabras. Et pour vous souvenir de siempre, pensez à Saint-Piternel en français. Et moi, je me souviendrai toujours de cette opportunité que j'ai eue de vous aider dans votre apprentissage. Apprendre une langue est toujours una aventura. Mais vous êtes maintenant plus que prêt à voler de vos propres ailes. Vous avez en main tous les outils nécessaires et, en cas de doute, vous pouvez toujours réécouter les autres méthodes à Raps Michel Thomas, ainsi que ceux que vous venez d'entendre. Grâce aux astuces que l'on a vues et à ces expressions de tous les jours, et d'autres que vous apprendrez par vous-même, votre vocabulario s'enrichira progressivement et fera de cette « aventura » quelque chose de vraiment gratifiant. Et, comme le conseillait Michel Thomas, consacrez au moins 10 minutes chaque jour à votre espagnol. Il vaut mieux un peu d'entraînement tous les jours qu'une révision intense de temps en temps. Saisissez toute opportunité de lire un magazine ou un journal en espagnol, de regarder une émission ou de converser avec des personnes dont la langue maternelle est l'espagnol. En cherchant un peu, vous trouverez toujours dans votre entourage une connaissance, un collègue de travail ou un voisin hispanophone avec qui vous pourrez pratiquer l'espagnol. Dans tous les cas, Merci pour cet agréable moment passé avec vous et, de tout cœur, bonne chance. Gracias por su atención. Y buena suerte.